light op en de slide wat op daden draait om de klok. Slaat het vloer van de waarheid. Het vaag figuur uit het vage vuur staat op. De tijd is nu, de duisternis omhult en de hemel ligt op het occult. De boom van de wijsheid werpt vlucht, sterf of vlucht. Ik vecht terug, ik zeg het je, spreekt God. Vervul je lot of ik drijf de spot op je dak. Ik stuur de duivel op je af, ik scheid het kaf van het koren. Moet je horen, gehoorzaam de uitverkoren en verdiende sporen. Ik breng het nieuws naar voren, ongehoord, vers als net die vermoord. Je bent pas gestoord als je de hele dag stemmen hoort. Rennen voor je leven, wen aan dit leven. Achterna gezeten van de dood, gejaagd door gedachten. Korte dagen, lange nachten, duistere krachten wachten. Het spookje hoort het lachen, niks dat de pijn meer kan te zachten. De beulen martelen en slachten, de goede of de slechte. Bloeden met de bel op het blok hakken. Alle koppen rollen als de hel begint te rellen. 3 keer 6 begint te tellen, jawel. We komen je halen. Tout mon dessin, c'est le terminus. Je termine en sang sur mon terminus. Si la mer ton sang, c'est tu nous flaires l'anus. Six Starkless, on t'enterre à plus. Tout mon dessin, c'est le terminus. Tu termines en sang sur mon terminus. Si la mer ton sang, c'est tu nous flaires l'anus. Six Starkless, on t'enterre à plus. Trop de coups bas, tout va, les jaloux sont en deuil. Quand ils voient ma face de tout bas, prendre le mic, ils portent l'œil. Je te crache ma crème, t'envoie cramer au créma et crève. Dans la reine du dark, c'est le trauma, coma. La fille m'a appris le rap qui t'envoie en psychiatrie. Laisse tes cicatrices au MC à la scie. Assis sur ma chaise, le savoir est acquis, la feuille est remplie. Je fais ma thérapie, j'y avide. En effet, je te fais de l'effet, car tu sais que je fais du rap hardcore, de la bite. Guillotine style pour les créations de suceuses. À ta gueule, je crache mes sécrétions muqueuses. J'avance pour mes gars, pour toute ma famille, faut que je pige et que ça savoure. Quand le dark te la fourre, c'est pas après pas que se grave le parcours. Baisse-toi, à ta santé, je trinque et je fesse-toi. Lève-toi si tu fais partie des miens. Check ça. Wazer, Dark End, 13 Darkness. Mon rap est profond et flou comme le Loch Ness. Ha. Je sors les armes du bureau pour shooter les putes du style Burgo. Urophile, MC Phil, tu vas finir plus tôt que prévu. En pute et puceau, j'ai le poids d'un sumo. Pour fumer le R&B, le Dirty Sons. Accusé d'abuser, de casser des culs, j'ai trop sué. Y'a plus de succès vu que c'est mort. Ma vessie va se purger sur la gueule des MC morts. Tout mon dessin, c'est le terminus. Tu termines en sang sur mon terminus. Si la mer ton sang, c'est tu nous flaires l'anus. Six Starkless, on t'enterre à plus. Tout le monde est sang, c'est le terminus. Tu termines en sang sur mon terminus. Si la mer ton sang, c'est tu nous flaires l'anus. Six Starkless, on t'enterre à plus. Si personne sera épargné. Et si j'ai une pute prétentieuse, tourne cette fois ta langue autour de ma bite avant de parler. Jouez pas au bad boy, ça sentira le phallus. Ici y'a des hétéros erectus qui vont fister l'anus. De Usher et de Soulja Boy, on fait du trafic d'organes. Ne récupère que les molosseuses. Dépose les rappeurs accidentés sur la remorqueuse. On fait cramer les fœtus des tourneuses. Comme dans Saut 3, on enclenche la tordeuse. Même les auditeurs rasent le sol comme une décapeuse. On se répand comme la fièvre rappeuse. On passe leur corps à l'essoreuse et trouve leur verge à la foreuse. Suzy avant ma poulette, j'ai mis de la piste dans les prouvettes. Même si t'es qu'un transformiste à qui on a sectionné les poulettes. Devant les phrases roulantes, tu restes statique comme ce paraplégique sans chaise roulante. Jouez pas la roulette russe avec le dark ou vous allez chier de la coulante. Fais le mic, yo mic, on sort la paramine. C'est une cure permane pour les coquines. Tu vas mort direct par les trous de narine. C'est pas du P2O, tu vas en perdre les os. Remets tes putains de sèches au zoo. Je vais t'apprendre à faire la grimace. On apprend pas les clandestins du bled à tirer des gignasses. Trace, tire ton sort, t'attire les rôles de terrasse. Tu fais le mac alors que ta pute de femme fait des striptease sur une terrasse. Terminus, c'est tout le monde que je descends. Tout le monde descend, c'est le terminus. Tu termines en sang sur mon terminus. Si la mer ton sang, c'est tu nous flaires l'anus. Six Starkless, on t'enterre à plus. Tout le monde descend, c'est le terminus. Tu termines en sang sur nos terminus. Si la mer ton sang, c'est tu nous flaires l'anus. Six Starkless, on t'enterre à plus.